Proverbe chapitre 14. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la ruine de ses mains. Celui qui marche en sa droiture, révère l'Éternel, mais celui qui va de travers en ses voies, le méprise. La verge d'orgueil est dans la bouche du fou, mais les lèvres des sages les garderont. Où il n'y a point de bœuf, la grange est vide, et l'abondance du revenu provient de la force du bœuf. Le témoin véritable ne mentira jamais, mais le faux témoin avance volontiers des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse, et ne la trouve point, mais la science est aisée à trouver à l'homme intelligent. Éloigne-toi de l'homme insensé, puisque tu ne lui as point connu de lèvres de science. La sagesse de l'homme bien avisé est d'entendre sa voix, mais la folie des fous n'est que tromperie. Les faux pallient le délit, mais il n'y a que plaisir entre les hommes droits. Le cœur d'un chacun connaît l'amertume de son âme, et un autre n'est point mêlé dans sa joie. La maison des méchants sera abolie, mais le tabernacle des hommes droits fleurira. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue sont les voies de la mort. Même en riant le cœur sera triste, et la joie finit par l'ennui. Celui qui a un cœur hypocrite, sera rassasié de ses voies, mais l'homme de bien le sera de ce qui est en lui. Le simple croit à toute parole, mais l'homme bien avisé considère ses pas. Le sage craint, et se retire du mal, mais le fou se met en colère, et se tient assuré. L'homme colère fait des folies, et l'homme rusé est haï. Les niais hériteront la folie, mais les bien avisés seront couronnés de science. Les malins seront humiliés devant les bons, et les méchants devant les portes du juste. Le pauvre est haï, même de son ami, mais les amis du riche sont en grand nombre. Celui qui méprise son prochain s'égare, mais celui qui a pitié des débonnaires, est bien heureux. Ceux qui machinent du mal, ne se fourvoient-ils pas? Mais la bonté et la vérité, seront pour ceux qui procurent le bien. En tout travail il y a quelques profits, mais le babil des lèvres ne tourne qu'à disette. Les richesses des sages leur sont comme une couronne, mais la folie des fous n'est que folie. Le témoin véritable délivre les âmes, mais celui qui prononce des mensonges, n'est que tromperie. En la crainte de l'Éternel il y a une ferme assurance, et une retraite pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour se détourner des lacs de la mort. La puissance d'un roi consiste dans la multitude du peuple, mais quand le peuple diminue, c'est l'abaissement du prince. Celui qui est lent à la colère, est de grande intelligence, mais celui qui est prompt à se courroucer, excite la folie. Le cœur doux est la vie de la chair, mais l'envie est la vermoulure des os. Celui qui fait tort aux pauvres, déshonore celui qui l'a fait, mais celui-là l'honore, qui a pitié du nécessiteux. Le méchant sera poussé au loin par sa malice, mais le juste trouve retraite même en sa mort. La sagesse repose au cœur de l'homme intelligent, et elle est même reconnue au milieu des fous. La justice élève une nation, mais le péché est l'opprobre des peuples. Le roi prend plaisir aux serviteurs prudents, mais son indignation sera contre celui qui lui fait déshonneur.